cours numéro 16. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. قال رحمه الله النسخ وهذا كذلك باب مهم فهذه الأبواب تحتاج إلى مراجعة قوية وإلى دراسة متينة حتى الطالب يفهم. Tu en auras besoin pour comprendre الفقه ما يتعلق بالعام والخاص والمجمل والمبين والمطلق و والظاهر والنسخ إلى آخره. Tous ces أبواب tu en as besoin. الظاهر والمؤول plutôt والمطلق والمقيد. فمن هذه الأبواب المهمة باب النسخ. والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه إلى عزم هذا الباب avec un كلام جميل مفيد très très simple. Et il a cité des points importants pour comprendre النسخ. أولا il a cité التعريف, la définition. On verra que ensemble, bi'idhnillahi azza wa jalla, an-naskh, c'est quelque chose qui disparaît, qui est remplacé par une autre chose. فهناك ناسخ ومنسوخ. An-naskh c'est à la wazn fa'il et mansukh à la wazn maf'oul. فالناسخ c'est ce qui va remplacer et al-mansukh c'est ce qui va être remplacé. Et هذا سيأتي معنا أنه c'est في الأحكام. أما في الأخبار فهي y a pas de ناسخ et mansukh. كذلك إلى السيتي رحمة الله عليه شروط النسخ les conditions. الأصل c'est qu'il n'y a pas de نسخ. Ils traduisent النسخ par l'abrogé, l'abrogeant, quelque chose qui est remplacé par autre chose. الأصل c'est qu'il n'y a pas de نسخ. C'est que tous les textes qui sont authentiques, ils sont acceptés, on doit les appliquer. Si c'est des awamir ou des nawahi, ibab al-ahkam, et on doit les accepter. أي باب الأخبار تقدم معنا هذا في باب الخبر والإنشاء au début du livre. فالأصل c'est qu'il n'y a pas de نسخ. Et pour appliquer le نسخ il faut des conditions que Cheikh Ibn Uthaymeen رحمة الله عليه il a détaillé. ثم il a cité أقسام النسخ. أقسام النسخ أي النسخ ça peut être dans le حكم ou dans le لفظ ou dans les deux. إما الحكم مثلا cette chose qui était interdite elle devient permise, ça c'est nasrun fil hukm. Imma fi al-lafz, مثلا un verset qui est abrogé et on le récite plus, alors que c'était un verset du Coran, ayatu al-rajm مثلا. Et ça peut être les deux. Ça peut être les deux, al-hukm ou al-lafz. Al-hukm ou al-lafz, مثلا fi al-radha'a. Concernant l'allaitement, et tous ces exemples, Cheikh Ibn Uthaymeen, il les a cités. Thumma, il a cité كذلك أن النسخ il peut être appliqué ou un verset du Coran il peut abroger un autre verset ou un hadith du prophète صلى الله عليه وسلم il peut abroger un verset ou l'axe. هذه الأقسام المهمة il les a cité ou un hadith qui abroge un autre hadith. ثم il a cité رحمة الله عليه pour conclure الحكمة. Et c'est quoi la hikma de النسخ. Allah subhanahu wa ta'ala, si il a abrogé certains textes ou certains jugements, c'est qu'il y a une hikma azima. Et en Allah azza wa jalla, c'est le hakim. Hada sa un bab muhim. Qala rahimahullah, an-naskhu ta'rifuhu an-naskhu lughatan al-izala wal-naql. الإزالة والنقل. شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه dans son شرح il a cité des exemples. الإزالة مثلا يقولون نسخت الشمس الظل. Et plus la journée elle avance plus l'ombre elle diminue. Au début de la journée il fait nuit. ثم le soleil quand il se lève en général les choses elles ont une grande ombre. ثم le soleil il se lève حتى quand il arrive au zénith l'heure du tuhur quand il est au milieu si tu places un objet cet objet il a pratiquement plus de nombre. أي الشمس نسخت الظل، أي ستومبر على été remplacé par le soleil. هذا في اللغة. النقل واضح. pour les arabophones هذا c'est clair. نسخ الكتاب أي نقله. نسخ الكتاب أي نقله أي la copie. c'est pour ça que le kutub il les appelle هذه النسخة أي cette copie. هذا من حيث اللغة. قال واصطلاحا رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. رفع tu as deux choses, tu as الحكم واللفظ. الحكم c'est le jugement. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم il avait interdit de visiter les tombes. نسخ هذا الحكم. il a été remplacé ce حكم par l'autorisation. قال النبي صلى الله عليه وسلم فزوروها إنها تذكركم الآخرة. vous avez remarqué que un حكم il a été remplacé, il a été effacé, il a été remplacé par un autre. التحريم c'était interdit, c'est devenu permis de visiter les tombes. وهكذا d'autres exemples que شيخ ابن عثيمين l'a cité dans le kitab. اللفظ ça peut être le اللفظ c'est des lettres qui forment des mots, qui forment des phrases. مثلاً آيات الرجم. Au départ, Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé un verset sur الرجم, sur la lapidation. ثم عز وجل il l'a abrogé. أي لفظه. Ce verset on ne le récite plus. Tu ne le trouves plus dans le mushaf. Et le hukm il est encore présent. أي الرجم c'est مشروع. C'est pour ça que c'est cité fi sunnat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Amma fi al-Qur'an, tu trouves plus هذه الآية. نعم, et أحيانا c'est le lafz al-hukm comme pour ar-radha'a l'allaitement. Et au départ, c'était 10 allaitements ou 10 fois plutôt 10 fois, نعم, pour que cet enfant ça devienne un enfant de ar-radha'a. Ay ma yuhrim min ar-radha'a, c'était 10 marrat au départ. Thumma nusikha ila 5. فقوله رفع حكم دليل شرعي. تأمل قوله رفع. quelque chose de qui est مرفوع أو رفع هذا الشيء c'est quelque chose qui a été enlevé, qui n'est plus. هذا الحكم أو ce لفظ ils ont été retirés بدليل من الكتاب والسنة et remplacés par autre chose. Remplacé par un autre dalil du Coran et de la Sunna. Enfin, tu as plusieurs choses. Tu as un hukm ou un lafd. Ça peut être les deux. Un hukm, c'est imma obligatoire, imma interdit. Et un lafd, c'est imma un verset, imma un hadith. Et les mots qui composent ce verset ou ce hadith. Le lafd. Tu ne pourras plus le réciter, tu ne pourras plus le lire. L'imadal et annahu, il a été retiré. Thumma, tu as un nasikh et tu as le mansukh. Qui c'est qui peut citer un nasikh dans le ta'rif al-mansukh? Un nasikh, c'est à la wazn fa'il. Al-mansukh, c'est à la wazn maf'oul. Fa'al nasikh, aynahu vi al-ta'rif? Ahsan, bidalilin min al-kitab wa sunnah. Ça, c'est nasikh. Un verset du Coran ou un hadith qui va remplacer un autre. Enfin, ce qui va remplacer. C'est un nasikh et ce qui va être remplacé, c'est le mansukh. فقوله بدليل من الكتاب والسنة c'est nasikh. قوله رفع حكم دليل شرعي أو لفظه هذا c'est le mansukh. C'est ce qui va être remplacé. إما un حكم, إما un لفظ d'un dalil شرعي. فتأمل هذا, ça va être utile pour la suite. قال فقوله فالمراد بقولنا رفع حكم أي تغييره من إيجاب إلى إباحة أو من إباحة إلى تحريم مثلا. ça c'est des exemples. ça peut être un changement. Emma une obligation qui devient permise. Emma une permission qui devient interdite. Allah subhanahu wa ta'ala c'est le hakim et il fait ce qu'il veut. il peut abroger subhanahu un jugement. une chose qu'il avait rendue au départ obligatoire thumma il la rend interdite. أو العكس جل وعلا. قال فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع مثل أن يرتفع وجوب الزكاة لنقص النصاب أو وجوب الصلاة لوجود الحيض، فلا يسمى ذلك نسخا. نعم، لماذا؟ لأن هذه الأمور الزكاة، الزكاة هي obligation avec deux conditions bien sûr, النصاب والحول. النصاب c'est une certaine quantité de ce bien, argent ou bête ou autre, avec des choses que c'est légiféré de sortir الزكاة de ce produit. Et كذلك الحول, il faut que ce bien الإنسان il a gardé pendant un an. On dit مثلا أظن مثل بهذا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه dans son شرح أن واحدا il avait une certaine somme d'argent et il devait sortir الزكاة. Il était concerné, لكن الحول il n'est pas encore terminé. ثم il perd tout cet argent. إما on lui vole, إما cet argent, sa maison elle brûle, أو مهم. Une chose qui arrive et il n'a plus cet argent. On ne peut plus dire الزكاة elle est obligatoire pour cet homme. Est-ce que هذا c'est من باب النسخ؟ لا. لا. لأن النسخ le حكم il s'enlève pour tout le monde. أما الزكاة elle est obligatoire إلى يوم القيامة، لكن cet homme pour lui elle est plus obligatoire. لماذا؟ لوجود مانع أو فوات شرط. Il n'y a plus la condition de الحول والنصاب، plutôt النصاب il n'a plus, il a plus l'argent. في هذا الحال فلا زكاة عليه. وهكذا l'exemple de la femme. الصلاة c'est obligatoire pour toutes les femmes sauf la femme qui a الحيض. لماذا؟ لأنها لا مانع. Le premier exemple qu'on a cité الزكاة c'était pour شرط، شرط النصاب. Et le deuxième exemple c'est pour المانع. Cette femme elle fait pas الصلاة. لماذا؟ لأنها لا مانع. On dit pas في هذا الحال أن الصلاة نسخت، la salat elle a été abrogée pour cette femme. Là, لأن le jour où ce mani il est plus présent elle doit faire salat. هذا c'est un tambih طيب. Il y a une différence entre un nasr ou هذه المسائل. Ici il y a un short ou un mani et l'insan il ne peut pas appliquer un hukm. Et Cheikh Ibn Uthaymeen là c'était deux exemples, الزكاه و الحيض. قال والمراد بقولنا أو لفظه لفظ الدليل الشرعي، لأن النسخ إما أن يكون لحكم دون اللفظ أو بالعكس أو لهما جميعا كما سيأتي. نعم، فقوله dans le تعريف رفع حكم، في الحقيقة on aurait pu dire رفع حكم أو لفظ دليل شرعي، لكن شيخ ابن عثيمين la formule autrement، قال رفع حكم دليل شرعي أو لفظه. الرفع il est pour le حكم et pour le لفظ، pour les deux. اللفظ on répète c'est le texte lui-même. On parle pas du حكم. Le حكم il peut rester. Le texte il n'existe plus. Ou il a été retiré. نسخ. Il a été abrogé plutôt. وهذا سيأتي إن شاء الله dans les أقسام. قال وخرج بقولنا بدليل من الكتاب والسنة ما عداهما من الأدلة كالإجماع والقياس فلا ينسخ بهما. Donc, النسخ c'est qu'avec le Coran ou le Sunna. أما الإجماع والقياس فلا ينسخ بهما كما قال شيخ ابن عثيمين. Et ces deux catégories de adilla, de preuves, l'ijma ou l'qiyas, Cheikh Ibn Uthaymeen, il les a cités dans ce livre et ça viendra avec nous, inshallah ta'ala. فالنسخ c'est un amr tawqifi. لا يقال بالنسخ إلا بدليل شرعي. Même si quelqu'un, un savant ou autre, il prétend que telle chose c'est mansour, la bout min dalil. Il n'y a pas de place pour les interprétations ou pour le qiyas. Là, il faut un dalil. Un tel hukm, il a été abrogé. Limada li anna Allah azza wa jal qala kada, et on cite un verset qui l'a abrogé. Ou le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala kada, et on cite un hadith qui a abrogé un autre texte. Limada. هذا سي تري تري امبورطون لان القران والسنه سي شريعه الله سبحانه وتعالى اي سي الله سبحانه وتعالى كي جوج كي الذي يشرع كي ليجيفير سي الله عز وجل اي سون ميساجي صلى الله عليه وسلم دونك بيرسون ا لو دووا دو دير ان سو حكم il est abrogé il le remplace par un autre. هذا لا، هذا سي تري تري غراف. مثلا واحد يقول ان أن الانترديكسيون دو خمر دو الكول سي أبروجي. أين الدليل؟ Il faut une preuve. ولا دليل. Les versets sont clairs et les hadiths que l'alcool c'est interdit. وهكذا جميع المسائل. قال والنسخ جائز عقلا وواقع شرعا. Après avoir cité التعريف ورحمة الله عليه, هنا il a démontré أن النسخ جائز عقلا وواقع شرعا. أي يا pas une chose qui empêche هذا النسخ لا عقلا ولا شرعا. Et la raison, et bien sûr les textes, ils montrent que un nasr, et que certains textes, ils ont été abrogés par d'autres, imma lafdan ou hukman, il n'y a aucun mani. La raison, la din, ils montrent hada, les textes. Et que dhalik la raison, limadha li annahu, il y a des bienfaits énormes. Il y a des bienfaits énormes fi un nasr. Il y a des hikam azima que Cheikh Al-Uthaymeen, il a cité à la fin de ce chapitre. قال والنسخ جائز عقلا وواقع شرعا أما جوازه عقلا فلأن الله بيده الأمر وله الحكم لأنه الرب المالك صاص من حيث العقل لا raison لاكسب هذا الباب لأن واحد peut se dire عياذا بالله من الكفرة الذين يطعنون في الدين vous dites que votre religion elle est parfaite. Et vous dites que ce Coran, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, et Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout. Falimadha, il a légiféré telle chose, thumma, il a changé. Un mu'min qui connaît son din, il comprend très vite que hadha al-kalam, il est faux, il est batil. Limadha, qal jamal al-taymin, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala biyadihi l'amr, wa lahu l'hukm. Allah, awwalan, Azza wa Jal, il fait ce qu'il veut. Qala li annahu al-rabd al-malik. Fa il leur donne ce qu'il veut. Il a autorisé certaines choses, thumma il les a interdites, subhana. Enfin, il fait ce qu'il veut, et ma'a hadha, c'est le hakim. Ce changement, il y a une hikma azima. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen, falahu an yushari' li'ibadihi ma taqtadi hikmatuhu wa rahmatuhu. Hadha al-bab, kathiran, c'est min bab al-rahma. C'est pour ça que, min al-nasr, ma vihi takhfif. C'est un allègement pour l'umma. وبعض الأحكام التي نسخت c'est pas من باب التخفيف لكن c'est من باب الابتلاء pour éprouver العباد est-ce qu'ils vont accepter est-ce qu'ils vont patienter أم لا قال رحمه الله وهل يمنع العقل أن يأمر المالك مملوكه بما أراد il y a aucune contradiction Allah subhanahu wa ta'ala il fait ce qu'il veut قال ثم إن مقتضى حكمة الله ورحمته بعباده أن يشرع لهم ما يعلم تعالى أن فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم والمصالح تختلف بحسب الأحوال والأزمان هذه سن حكمة عظيمة الله سبحانه وتعالى سي الحكيم سي الخبير سي العليم et on a étudié ولله الحمد للسنس de tous ces noms dans notre درس sur l'explication des noms d'Allah عز وجل فمن حكمته سبحانه وتعالى أنه شرع لعباده ما يعلم أن فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم هذا الدين toutes les obligations ou les interdictions c'est pour مصالح العباد c'est pour le bien-être des êtres humains et c'est pour les écarter de tous les maux tout ce qui peut leur faire du mal ce dîn il est parfait لماذا لأن الله عز وجل العليم الخبير سلوي كلا غبيلي وبروفيت عليه الصلاة والسلام قالوا المصالح تختلف بحسب الأحوال والأزمان وهنا السر pour comprendre أن une chose à une époque ou à un, dans un endroit précis ça peut être une maslaha et dans une autre époque ou dans un autre endroit c'est plus une maslaha فلهذا الله سبحانه وتعالى نسخ بعض الأحكام c'est pour ça que الله سبحانه وتعالى il a abrogé certaines choses. قال فقد يكون الحكم في وقت أو حال أصلح للعباد ويكون غيره في وقت أو حال أخرى أصلح والله عليم حكيم. Et avec tous les exemples que Cheikh Ibn Uthaymeen il a cité rahmatullah alayhi dans cette risala ça va être beaucoup plus clair. أي des حكم Et en étudiant les exemples, tu vas comprendre pourquoi ça a été abrogé. Tu vas mieux comprendre, Inch'Allah. وهذا الباب كغيره من أبواب الدين يجب على جميع المسلمين التسليم والإيمان والإنقياد لأمر الله عز وجل. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymeen il a conclu ce passage بقوله والله عليم حكيم. Allah c'est l'alim, il sait tout. Celui qui n'arrive pas à comprendre ce genre de masail ou autre, فليتهم نفسه, qu'il se remette en question où et qu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala min fadlih, qu'Allah lui ouvre les portes et qu'il fasse des efforts. Ba'd al-ulama, ils ont écrit des livres, fi an-nasikh wal mansukh, et ils ont démontré avec des exemples pourquoi. فالنقص في البشر, et Allah subhanahu wa ta'ala c'est le hakim, tout ce qu'il fait c'est bi hikmah. Et vous verrez que les exemples que Cheikh Ibn Uthaymeen l'a cité, vous verrez des hikam azimah. قال واما وقوعه شرعا فلادله منها, اي on a des preuves du Coran et de la Sunna que an-nasikh wal mansukh c'est arrivé, اي que Allah subhanahu wa ta'ala il a abrogé certains textes. اولا قوله تعالى ما ننسخ من ايه او ننسها ناتي بخير منها او مثلها. Ce verset est واضح من سوره البقره, أن الله سبحانه وتعالى إلى أبغجي certains versets. ما ننسخ من آية أو ننسها, الشاهد ننسخ, فالله سبحانه وتعالى إلى أبغجي إلى أبغجي plutôt certains versets. قال نأتي بخير منها أو مثلها, يا الله سبحانه وتعالى في السكيل بي. فأثبت الله سبحانه وتعالى ناسخا ومنسوخا, أين الناسخ وأين المنسوخ. Si vous avez compris le تعريف vous pouvez répondre. بتوفيق الله عز وجل. On a dit دائما أناسخ يا منسوخ. أناسخ c'est على وزن فاعل, يا المنسوخ c'est على وزن مفعول. أين الناسخ تفضل؟ أحسنت. الناسخ c'est ce qui remplace un حكم qui était auparavant. Donc c'est ce qui va remplacer. قوله عز وجل نأتي بخير منها. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a remplacé certains ahkam par des ahkam meilleurs. Aïn al-mansoukh? Aïndak? Ahsant min ayatin. Ça, c'est ce qui a été remplacé. Ma nansakh ou abrogé. Ma nansakh min ayatin. Deuxième preuve, qawluhu ta'ala, al-an khaffafallahu ankum. Wa qawluhu ta'ala, fal-an bashiruhunna. إن هذا نص في تغيير الحكم السابق. Qui c'est qui peut citer وجه الاستدلال de ces deux versets? تفضل. لا, لكن c'est quoi qui montre النسخ؟ الآن. الآن ça montre qu'il y a quelque chose قبل. الآن ça veut dire à partir de maintenant. Maintenant, on dit « Al-an, on va faire telle chose. » Et à partir de maintenant, on va faire telle chose. Ça montre qu'avant, maintenant, il y avait un hukm. « Faqala Azza wa Jal, Al-an khaffafallahu ankum. » Ça montre qu'avant, il y avait un autre hukm. Et après, il y a un allègement. Donc, il y a bien eu un nasikh et un mansoukh. « Wa hakada qawluhu fal-an bashiruhunna. » Et Cheikh Ibn Uthaymeen, dans son charh, rahmatullah alayh, il a cité les versets précédents pour montrer ou pour clarifier أكثر. وستأتي معنا ما يتعلق بالقتال سورة الأنفال, أما سورة البقرة ما أظن. فالآن باشروهن, هذا نقرأه من الشرح. قال رحمه الله المثال الأول page 411 ceux qui ont الشرح. الآن خفف الله عنكم, هذا في المصابرة. أوجب الله سبحانه وتعالى على العباد أن يصابروا عشرة أمثالهم. وسيأتي هذا المثال. Au départ, un مؤمن il devait combattre 10. واحد من المجاهدين يقابل عشرة. Il devait combattre 10. Enfin, s'ils étaient 100, il devait combattre 1000. وهكذا. 1, 10. ثم الله سبحانه وتعالى خفف عنهم. واحد يقابل اثنين. Si c'était 100, il pouvait combattre 200. Mais si c'était au-dessus, il ne pouvait pas. Mais au départ, s'ils étaient 100, ils pouvaient combattre jusqu'à 1000. Ça veut dire qu'il n'y avait pas d'excuse. Dans les exemples, inshallah. La deuxième, وكان أول ما فرض الصوم إذا صلى الإنسان العشاء الآخرة أو نام قبل العشاء حرم عليه الأكل والشرب والنكاح. Au départ, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur avait ordonné الصيام. قال شيخ العثيمين إذا صلى الإنسان العشاء الآخرة أو نام قبل العشاء. Après صلاة العشاء, أو celui qui dormait avant العشاء, s'il se réveillait, il ne pouvait plus manger, boire et avoir des rapports avec sa femme. Toute la nuit, il était obligé d'attendre le lendemain après le maghrib. فَتَأَمَّلْ مَثَلًا نَحْنُ aujourd'hui, on fait le siyam. Après l'isha, ou واحد dort avant l'isha, et il se réveille, on va dire l'isha, il est à 22h, il se réveille à 23h, il a faim, il a soif, il ne peut plus manger. Il est obligé de ne pas manger toute la nuit, ثُمَّ de faire le siyam du fajr, jusqu'à Ghurub al-Shams, jusqu'au Maghrib, thumma il peut manger. Et هذا شق عليهم. فالله سبحانه وتعالى خفف عنهم. قال فشق ذلك على المسلمين فنسخ الله هذا وقال فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. Donc, c'est comme aujourd'hui, où Allah الحمد سبحانه وتعالى il est présent jusqu'à aujourd'hui, après al-Maghrib et après al-Isha, même celui qui dort, même si tu dors avant l'Isha, ou après et tu te réveilles, tu as le droit de manger, boire et avoir des rapports avec ta femme jusqu'au Fajr. فَلِهَذَا قَالَ عَزَّ وَجَلُ وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Et هذا الحكم il est jusqu'à يوم القيامة. الآن, tu as le droit de, après le Maghreb jusqu'au Fajr, manger, boire et avoir des rapports avec ta femme. Que tu dors, que tu dors pas, هذا c'est pas pris en compte. أما avant là, فلهذا قال عز وجل فالآن. Donc il y a bien eu un nasr, il y a bien eu quelque chose qui a été abrogé, et le hukm de ne pas pouvoir manger, boire ou avoir des rapports avec sa femme la nuit. هذا c'est un مثال واضح. قال رحمه الله ثالثا قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. هذا نص في نسخ النهي عن زيارة القبور. أي il a cité deux versets et un hadith pour montrer أن النسخ موجود في الشرع. أن النسخ لا شك des versets, des ahkam, des jugements, ils ont été abrogés dans les textes, que ce soit dans le Coran ou dans le Sunnah. Et il a cité les exemples. Donc العقل, la raison, elle comprend que Allah subhanahu wa ta'ala il a abrogé certains jugements, et هكذا الشرع, on a des adillah claires qui montrent que certains jugements, بعض الأحكام, نسخت, ils ont été abrogés. قال ما يمتنع نسخه. هذا الأمر il est مهم. أي certains textes ils ne peuvent pas être abrogés, et ils n'ont jamais été abrogés, ils ne seront jamais abrogés. يمتنع النسخ فيها. Le premier bab, c'est al-akhbar. قال يمتنع النسخ فيما يأتي al-akhbar. Et on avait, au départ, au début de ce livre, on avait expliqué ما يتعلق بالأخبار والإنشاء. Et on avait vu أن al-akhbar, c'est des informations يقابلها الصدق أو الكذب أو التصديق أو التكذيب. Contrairement à l'إنشاء, l'أمر. L'أمر, مثلا, tu dis à واحد قم. ففي هذا الحال, il ne peut pas dire tu dis vrai ou tu mens. C'est un ordre. Imma il va l'appliquer, imma il va ne pas l'appliquer. فيقابل الإنشاء العمل. ويقابل الإخبار, مثلا خبر, tu informes de quelque chose. فالإنسان il peut être véridique et il peut ne pas être véridique. Son خبر il peut être accepté, il peut ne pas être accepté. فأخبار الله سبحانه وتعالى كلها حق. لأن الله عز وجل c'est le haq. Tout ce qu'il a révélé c'est haq. Toutes les informations, que ça soit ما يتعلق بالماضي ou le مستقبل, c'est haq. هذا سي كلير. دونك النسخ اي بو با رونتري في هذا. تامل قول جمع العثيمين قال رحمه الله: اولا الاخبار، لان النسخ محله الحكم، ولان نسخ احد الخبرين يستلزم ان يكون احدهما كذبا. سانو مونتر بيان كو النسخ في الاحكام. مثلا تل شوز سيتي انترديت ثم سا دوفيان اوبليغاتوار. وهذا سعرين اون فيان دو لير ليكزامبل دو ما يتعلق بالصيام، انهم لا نوي بوفي با بوار اي مانجي دون سيغتان كا. نسخ هذا اي سي من باب التخفيف، سي ان اليجمون سي واضح. اما الاخبار اما سي فيريديك اما سي نو با فيريديك. دونك لو فيت دابروجي سي كوم سي سو خبر اي نيتي با فيريديك، اي هذا سي با بوسيبل دون نوتر دين. سي بور سا كو تو تروفرا جامي النسخ اي ان تكست ابروجي متعلق بالاخبار. مثلا الله سبحانه وتعالى نوزا فورمي عن قصه ادم، عن ما حصل لابليس، tout ce qui s'est passé à tout ce que Iblis il a fait comme char. Allah subhanahu wa ta'ala il a cité l'histoire de Adam, de Ibrahim, de Moussa alayhim as-salatu wassalam. Tout ça c'est haq. Tu ne trouveras jamais un de ces textes qui a été abrogé. Abadan. Qala rahimahullah wal kadhib mustahil fi akhbar Allah wa rasulih. Tous les textes qu'on a, al-Quran et les ahadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam al-thabita, c'est haq. Celui qui prétend que c'est un mensonge, c'est du kufr billah. Ça fait sortir de l'islam. لماذا؟ لأن هذا طعن في رب العالمين. قال اللهم إلا أن يكون الحكم أتى بصورة الخبر. في الحقيقة هذا حكم، لكن معروف في اللغة وفي الأصول. تقدم معنا هذا في باب الأمر. لا تذكرون باب الأمر، صيغ الأمر. قال فعل الأمر سواضح، اسم فعل الأمر، المصدر النائب عن فعل الأمر، نعم، المضارع المقرون بلام الأمر. دونك قوله المصدر، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، المراد فضربوا الرقاب. فيأتي الخبر أي سبع على un وزن d'un amr et al-murad bihi c'est un amr. C'est min hadha al-bab. Donc si tu as un khabar et ma'na hadha al-khabar c'est un hukm, mathalan un amr, fa huna na'am qad yadkhul bihi an-nasakh. Limadha? Li'anna fi al-haqiqa c'est un amr, lakin sous apparence d'une information. Mathalan qawluhu, il a cité un exemple, fa la yamtani' nasakhuhu ka qawlihi ta'ala إن يكن منكم عشرون صابرون. فتأمل هذا، إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبون مئتين. كيسكي بو نسيتي الشاهد هنا في باب الأخبار. الشيخ العثيمين رحمة الله عليه نبه أن بعض الأخبار تأتي بمعنى الأمر الحكم. دونك في هذا الحال يبو بل النسخ قد يدخل. إيه إلى ستة أن فيرس فيه النسخ. تفضل. أين الخبر وأين الحكم؟ سأسأل على كيستيون. الخبر يغلب. ها؟ سبي معنى ماذا؟ لا بس، لكن هنا تُعَى نعم، هذا اللازم. القتال سيبا فورسيمون يغا با فورسيمون الغلبة معه، فهنا يحتاج إلى شيء من التأويل. لا يا كلكو شوز دو واضح. تفضل. أين الخبر؟ نعم كما قال الأخ الشيخ العثيمي. ماذا قال؟ باش 413. تفضل. نعم، فإن لابخدو صبروا رحمة الله عليه. صابرون. صابرون سنخبر أنهم صابرون. السبب معنى الأمر. أي قوله إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. هذا خبر أي بمعنى اصبروا si vous patientez, أي هؤلاء العشرون si ils patientent, فإن pourront battre 200. مفهوم هذا. قال فالمعنى اصبروا وليصبر منكم 20 أمام 200. هذا فهذه نسخت بالتي بعدها. سنموضح أن هذا الخبر نسخ، لكن سو خبر في الحقيقة بمعنى حكم. فلهذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه إلا أن يكون الحكم أتى بصورة الخبر. فهنا tu as صورة الخبر الصابرون، tu n'as pas حكم في تل شوز أو نفي با تل شوز، لكن هذا الخبر في الحقيقة بمعنى عليكم بالصبر أو صبروا، فتو أبي حكم. فلهذا سو حكم نسخ، نسخ avec le verset suivant et سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. قال فإن هذا الخبر معناه الأمر، ولهذا جاء نسخه في الآية التي بعدها وهي قوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200. دونك الله سبحانه وتعالى il a bien abrogé le حكم précédent. واحد يقابل عشرة، عشرون يقابلون 200. الله سبحانه وتعالى خفف عنهم، واحد يقابل اثنين. دونك 100 يقابلون 200. أما à l'époque c'était 20 pour 200. الله سبحانه وتعالى خفف عنهم 100 et combattent 200. La différence de 80 hommes, c'est énorme. Et هذا من تخفيف الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين. Celui qui n'a pas compris هذا أي ما يتعلق بالخبر كي حكم أي صورة الخبر في الحقيقة حكم، الأمر سهل. L'essentiel retient. Si tu n'arrives pas à retenir l'autre point, retiens أن الأخبار elle peut pas être منسوخة. Un خبر il peut pas être منسوخ. لماذا؟ لأنها الخبر c'est une information. Une information, imma les véridiques, imma les fausses. Enfin, pourquoi l'abroger? Il n'y a aucun sens. Enfin, là, tu ne trouveras jamais un texte, un khabar qui est abrogé. Là. Et al-ishkal par rapport à certains akhbar, c'est des ahkam, c'est des awamir. Et Cheikh Ibn Uthaymeen nabba. Deuxièmement, al-ahkam allati takun maslahatan fi kulli zamanin wa makan. Ay masalih mahdha. مصالح محضة فلا يدخل فيها النسخ. مثلا قال كالتوحيد وأصول الإيمان وأصول العبادات ومكارم الأخلاق من الصدق والعفاف والكرم والشجاعة ونحو ذلك. في هذه الأمور يبقى النسخ. لماذا؟ لأن هذه مصالح محضة. التوحيد سيكون خير سيكون مصالح، يبقى بزوان دو نسخ في هذا الباب. وهكذا أصول الإيمان وهكذا les bons comportements. مثلا être véridique, être doux, être patient. هذا c'est واضح، il y a pas de نسخ في هذا. C'est pour ça que en général tu trouves هذه العبادات elles étaient كذلك légiférées pour les communautés avant nous. التوحيد والصلاة والصدق والعفاف والتواضع، tous ces comportements et tous ces عبادات، التوحيد، faire la salat etc. c'était légiféré pour les communautés avant nous. هذا c'est واضح. قال فلا يمكن نسخ الأمر بها وكذلك لا يمكن نسخ النهي عما هو قبيح في كل زمان ومكان. أي أمور قبيحة محضة، يا أكن خير. donc il peut pas avoir de نسخ. مثلا quelque chose، يا que du mal، c'était interdit، tu ne peux pas trouver un texte qui va la rendre autorisée. Eh ben, elle n'a c'est que du mal. Donc, il ne peut pas avoir un texte qui l'abroge et qui change son hukm. Ça nous montre que le hukm il peut changer fi ba'd al-masalih ou al-mafasid par rapport à certains cas. Certains cas, c'était interdit, thumma c'est devenu autorisé. Mathalan, ziyarat al-qubur. Il peut avoir une mafsada, azima. أن الإنسان سيلي با قوي سيلي فابل سيلي encore certaines pensées ربما يزور هذا القبر ويفتن et il demande à ce mort où il fait des choses interdites. فالنبي صلى الله عليه وسلم au départ il leur a interdit. ثم لما انتشر الإسلام وقوي الإيمان etc. il leur a autorisé. C'est pour ça que بعض أهل العلم ils ont l'avis que زيارة القبور c'est interdit pour les femmes. لضعفهن. لماذا؟ لأن les femmes elles ont certaines faiblesses que les hommes ils n'ont pas. فلهذا بعض العلماء ils ont choisi cet avis. قال رحمه الله كالشرك والكفر ومساوي أو مساوي الأخلاق من الكذب والفجور والبخل والجبن ونحو ذلك إذ الشرائع كلها لمصالح العباد والدفع المفاسد عنهم. هذا سواضح. دونك النسخ لا يكون في الأخبار les informations أخبار مثلا الأمم الماضية أو قصص الأنبياء tous les récits prophétiques que ce soit le prophète Adam أو نوح أو إبراهيم أو موسى عليهم الصلاة والسلام كذلك الأخبار عن ما سيحدث في المستقبل مثلا أشراط الساعة tous les أخبار concernant le Messie الدجال يأجوج ومأجوج etc. tout ça y'a pas de nasr. لماذا لأن c'est des informations et c'est du حق et soit c'est arrivé soit ça arrivera y'a pas besoin de nasr. Et كذلك الأحكام des ahkam et des choses à faire ou ne pas faire et imma c'est du khayr mahd c'est que du bien comme le tawhid la salat etc imma c'est que du mal comme le shirk le mensonge etc fa hada la yadkhul fihi an-nasr et la suite on la fait dans le dars suivant bi idnillah azza wa jalla.